décennies. De coups de fouet, tu sais qui je suis. Donc si la vie est une pute, man, tu sais ce que je suis. Nous c'est les sales d'être un nombre, majorité visible. Des semblables de l'autre côté, par la pensée je vois en visite. Je sourire comme Stevie Wonder, je garde le rythme comme un coureur et pas d'Highlander. Faut savoir lire entre les larmes quand c'est de l'encre que je pleure. Savoir vivre au jour le jour, c'est peut-être demain que je meurs. Ou peut-être demain que je me nourris avec des tuyaux Leicester. J'arrive des années 80, Dakar, clinique Pasteur. Dans nos têtes c'est la guerre, les coups sont durs comme le fer. Mon stylo c'est mon psy, je suis solitaire comme le verre. J'ai l'impression qu'on est tous dans la mer comme une balance. En y pensant, dédicace aux frères qui gardent le silence. Série de rimes qui ont pas trop de rapport entre elles comme d'hab. Espérons que c'est à la gloire que le destin me condamne. Depuis petit, l'école m'a beaucoup menti. Voulait me faire croire que Christophe Colomb était un gentil. La femme de ma vie c'est ma daronne et surtout pas une sale garce. Laisse-moi un peu de temps et je reviens la chercher en 4x4. Avec presque autant d'argent que d'amour. À résoudre ce problème, parfois j'en oublie de dormir. Et tu sais que c'est pas la 8, mais le rap, ma défense. Violent à la Easy, c'est KR, motherfuck. Délire pas trop dansant, en attendant la rançon. La rage du peuple dans le sang, c'est la nostalgie dans le son. Ok. Moi j'en ai rien à cirer, à part quelques paires de pompes. Ce qu'on a en tête c'est faire notre trou comme un fusil à pompe. Né pour mettre bien la famille, esquiver l'usine. Et si l'argent fait pas le bonheur, je préfère pleurer dans une limousine. Avoir mal au dos dans de la soie, enfin bref. J'aime la vie et quand même saoul, je voudrais lui dire enfin un break. Je veux remettre mes habits troués, mon vieux blouson. Retrouver ma morvonnée et courir sans raison. L'homme de la maison, depuis cette époque frère. C'est quand on se casse sur Jupiter en hélicoptère. Le monde n'est pas à moi, cogno, et j'en suis bien content. C'est la bagarre, c'est barbare, c'est Bagdad sans l'OTAN. D'être dans la lune, à l'école j'écrivais mes lyrics. Ils m'en veulent pas, c'est eux qui m'ont appris à écrire fils. Et une fois de plus, c'est pour mes petits refrains au pays. Mes grandes sœurs ici, qui sont aussi les femmes de ma vie. Les idées qui s'agitent, c'est pas de plainte qu'il s'agit. Mais c'est juste un peu de son et un peu de nostalgie. Les idées qui s'agitent, c'est pas de plainte qu'il s'agit. Mais c'est juste un peu de son et un peu de nostalgie. KR